je te suis, mon seul domicile. Ma vie pour la tienne, le roi sa reine. Lève la main pour montrer ta bague au doigt. Bébé, j'ai plein de projets, atteindre l'apogée. Ma main pour t'accrocher, ma bouche pour t'arroser. Voir ton ventre grossir, comment te le décrire. C'est la première chose que j'ai demandé. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. On est marié pour la vie. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. On est ensemble jusqu'à l'infini. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Ça y est, c'est officiel, ta famille a validé. Mon père est au ciel et puis ma mère tout excité. Beaucoup de gens t'aiment avoir le nombre d'invités. Je me battrai pour toi car j'ai rien fait pour te mériter. Place au futur, oublie tout d'avant. Regardez la perle qu'a créée belle maman. Je me suis fait piquer par une abeille. J'ai préparé ton sac bébé pour la. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. On est marié pour la vie. Tu m'as dit oui, tu oui. M'as dit oui. On est ensemble jusqu'à l'infini. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. On est marié pour la vie. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. On est ensemble jusqu'à l'infini. J'ai mis mon genou à terre. Dieu merci t'as accepté. Bébé, je m'occupe de tout. Oh, oh, oh. Ah, c'est qu'il est sick, c'est qu'il est sick, c'est qu'il est sick, c'est qu'il est compa. Bébé, Maria, je sais pas. Oh, ça sonne musique. Jusqu'à l'infini. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. On est marié pour la vie. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. On est ensemble jusqu'à l'infini.